Ladies and gentlemen, good morning. We start boarding your flight AT853 with destination Marrakech at gate B31. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons procéder à l'embarquement de votre vol AT835 à destination de Marrakech à la porte B31. C'est de la musique défendue. Si vous êtes là, il faut pas la hacher. C'est pas de la saloperie, Michel. Yeah, température où il fait chaud. Prina Fukuzina. Décor, ambiance, Marrakech, surprise de danse. Prina Fukuzina. Même si c'est le désordre, on est toujours plus fort que Prina Fukuzina. NJP Oriental représente ma terre. J'm'envole, ma bouche trop prière traditionnelle chez Shia. Prina Fukuzina, ouais, comme ambiance, Marrakechia. Eh ouais, Arbi aussi brûlant que Naïssa. Sur place, jamais le funaille, y'a comme une odeur de chicha. Recolo tonight, au micro c'est alright. J'ai habillé à l'ancienne, c'est là où tout se passe. Représente ma race, les petites ruelles people en masse. Coup d'être comme une borasse, niqué pour la caillasse. Pour quelques poignées d'Iram, on se décontracte toi-même. Au comptoir, soirée danseuse orientale. Vu le rythme aux couleurs de festival. Et même si le soleil nous crame, ici on se gave avec une odeur d'état. Oui, la cousine, car on a la haute classe. Cigare en bouche, Romelio Julieta. Boléro, chemise hawaïenne, Bermuda. En calèche défilée autour de la Koutoubia. Ruina Fukuzina. Tellement qu'on rappe ici, on va vous déchirer. Ruina Fukuzina. C'est le bordel dans la cuisine, y'a mon petit H-H-H-I. Dans les hauts de l'Oreca, respire le bon climat. En Lexus, sous boulevard de France, on est VIP. En parfum des palmerets, je me souviens vérité. Et de ma bouche, je te chanterai notre été. Ruina Fukuzina. Yeah, yeah, température où il fait chaud. Ruina Fukuzina. Décor, ambiance, Marrakech, surprise de danse. Ruina Fukuzina. Même si c'est le désordre, on est toujours plus fort que Ruina Fukuzina. NJP Oriental représente ma terre natale. NJP sur influence de Gnawa. Spectacle sur place de Cobra, autour nos bras. On négocie aux marchands, on prie le plus bas. Hey wa, quelle est belle la mademoiselle, quelle est la gazelle. Fruit pas lâché quand il atteint les 40 degrés. Panorama toujours prêt à m'inspirer. Nuit étoilée, amour des mille et nuits à admirer. J'ai le blues de Marrakech en intensité. Soirée dansant au villa de la Riade. Menu je suis à la grillade, en maillot pour une boîte baignade. Une myriade d'épices de couleurs festives. Fleurs orangées pour un paradis prestige. Ruina Fukuzina avec mes potes on retourne tout. Même à la dérive on nous dira mais vous êtes fort. Relax Max, t'es mental à Shiba. Jardin Majorel, printemps aux yeux de Sheba. Ruina Fukuzina. A l'aise les doigts dans le Norca. Sur ce MC dans tous ses états. Ruina Fukuzina. Hey wa, hey wa, c'est le bordel en cuisine quoi. Une boucherie à Wudamé, ensemble on te le dira. Ruina Fukuzina. Ruina Fukuzina. Yeah, yeah, température où il fait chaud. Ruina Fukuzina. Décor, ambiance, Marrakech, surprise de danse. Ruina Fukuzina. Même si c'est le désordre, on est toujours plus fort que Ruina Fukuzina. NJP Oriental représente ma terre natale. Ruina Fukuzina. Call for passenger NJP. Please present yourself immediately at gate B31. I repeat, passenger NJP, present yourself immediately at gate B31. Ceci est un dernier appel pour le passager NJP. Présentez-vous immédiatement à la porte B31. Je répète, passager NJP à la porte B31. Vas-y, arrête de parler, bouge ton cul. B31, vite, vite.